peut faire demi-tour en cas de malaise d'un passager? Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas d'incendie? Oui, réponse C. Non, réponse D.